rentrais pas pour dîner, puis j'étais pas matinal. Mec, va falloir me tuer si tu veux m'enlever ma Dina. Le compte en banque est chargé, oh là que je le fais pour elle. Je vais pas rentrer bourré chérie, on se prendra la tête pour rien. J'ai perdu beaucoup d'amis, et puis j'ai trouvé la faille. J'ai demandé le bonheur à Dieu, et Dieu m'a donné une femme. Il m'a pas donné des potes, et puis de façon j'en veux pas. Tu m'as sali, ça se fait pas, mais bon en vrai je t'en veux pas. Et quand je pense à mon frère, eh ben je repense à mon père. Parce que c'est lui qui m'a aidé quand j'avais plus de repères. J'écris ce texte à Phuket, y'a des Français de tout part. Ils font les voyous là-bas, oh là qu'en français des trous de balles. Méfie-toi des apparences, frérot profite tes parents. Quand je te dis que je t'aime plus que tout, bébé, moi je suis transparent. Avant je taffais dans le shit, j'ai jamais balancé au chemin. Jamais taffé avec eux, même quand le frigo était vide. Moi je t'ai donné de la force, et tu pars reconnaissant. Me connaissant, je vais te niquer ta mère, tu seras méconnaissable. Ils parlent de moi, c'est pas tard, mais ils savent pas qui on est. En face à face, ils font marche arrière, à chaque frère tu connais. Dis-moi qui veut ma monnaie, que je le laisse par terre, par peur. Parce que de base on est des carteurs, on voulait juste faire des sous. Mais les voyous ont plus de règles, maintenant c'est nous les voyous. Hey, dis-moi qui m'arrête, j'attends encore que les keufs partent. Dans le trait ça bluffe pas, ils peuvent pas nous tester. Du 1, 3 ou 9, 4, tu veux des sous et faire la fête. Le salaire à peine à flette, mais au fait, quand tu perds, y'a les problèmes qui vont avec. Sur Dieu, j'ai acheté des armes, prêt à soulever des âmes. Mon équipe n'a rien à voir avec tes ânes. Cordon bleu, maillot Harissa, paye-moi en choka. Nalchetan, je me mêle de personne, chacun sa chèque chouka. Parle mal, on va t'éduquer. Un petit trou du cul, fatigué. Y'a que quand on tire que l'on prend du recul. Ridicule, les rappeurs, frère, je peux pas me les boire. Moi j'ai traîné à Marseille, non je peux pas te les croire. Santé, bonheur, mon label, ici tout le monde se rappelle. Quand je traînais à Herbel, je savais que la suite sera belle. Pattaya, Istanbul, Phuket, New York et Miami. Avec ma main, non, j'ai pas pris mes amis. Eux, ils pensent qu'ils ont percé avec 2-3 sons de merde. Moi, je me dis que j'ai percé quand je vois le sourire de ma mère. Tu parles de marbé, de tarpé, tous les jours tu te fais tarter. J'ai gardé les choses pour moi, mais personne va me barber. Moi, je dédicace des personnes parce que je marche avec eux. Toi, on le sait, tu dédicaces des gens parce que t'as peur d'eux. Viens, on va te faire la sécu. Je connais des gens de partout, des rebeux, des bateaux qui déchirent pour un pack d'eau. S'il y a un bruit, je te passe la batte. Si je t'aime, je te passe la batte. Crie à ras, il passe la pâque. On connaît par cœur les plaques, je caresse la détente. Je fais la guerre pour leur prendre. Me tente pas, j'arrête le son à 2 minutes 30.